franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire de la Grande Arche de la Défense. Le cube, la Grande Arche, l'Arche de la Défense, l'Arc de Triomphe de l'Humanité ou encore l'Arche de la Fraternité. Il suffit parfois de s'intéresser au vagabondage sémantique d'une œuvre pour en soupçonner la complexité. Celle qu'on appelle aujourd'hui la Grande Arche de la Défense en fournit de belles illustrations. Ces différentes nominations successives témoignent d'une histoire heurtée, trouble, chaotique. De 1982 à aujourd'hui, de sa conception à son exploitation, ce projet architectural est marqué par une sorte de sortilège, de malédiction. Le savent-elles ces centaines de milliers de personnes qui chaque jour traversent l'immense parvis du quartier d'affaires parisien, que l'arche qui les domine est en déliquescence, que l'ascenseur central n'est toujours pas fonctionnel, que le marbre des parois menace de s'effondrer, que le toit et sa vue splendide sur tout Paris est inoccupé? Probablement non. D'ailleurs, on ne s'arrête plus devant cet incroyable monument. C'est là toute sa réussite paradoxale. S'inscrire avec une telle fluidité dans l'espace qu'on finit par ressentir votre présence comme la plus naturelle au monde. Paradoxe. Voilà sans doute le mot-clé pour raconter l'histoire de ce chantier si symbolique de la politique des grands travaux du président Mitterrand. D'un côté, il y a l'unanimité des spécialistes, des critiques, des citoyens. Il s'agit sans doute de l'ouvrage le plus réussi. De l'autre, c'est l'œuvre qui présente en coulisses la genèse la plus compliquée. Au cœur de cette affaire, un homme oublié, Johan Otto von Spreckelsen, l'architecte danois resté dans l'ombre. L'histoire de la Grande Arche nous plonge donc au cœur de la saga des grands projets mitterrandiens, à un moment charnière, celui du passage d'un volontarisme politique en matière de culture à la résignation face aux impératifs économiques. En deuxième partie de l'émission, nous recevons Laurence Cosset, écrivaine, auteur du roman La Grande Arche, publié aux éditions Gallimard, et qui raconte justement l'incroyable destin de Johan Otto von Spreckelsen et de son œuvre. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Valentin Hazan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En 1975, dans La paille et le grain, chronique tenue au jour le jour par le candidat socialiste malheureux de la présidentielle de 1974, François Mitterrand, écrit « Dans toute ville, je me sens empereur ou architecte. Je tranche, je décide, j'arbitre. » François Mitterrand, qui 4 ans plus tard écrira un autre livre, recueil de chroniques également, intitulé « L'abeille et l'architecte ». Tiens donc. 6 ans plus tard, le 24 septembre 1981, ce même François Mitterrand, sûr de son destin, troque son costume de perdant pour celui de président, et la conférence de presse devient ce lieu où les idées se transforment en programmes et les projets en politique. Quant au problème de culture, j'ai pris en compte, bien entendu, le développement du musée d'Orsay, le développement de la Villette, le développement de la Défense, qui seront des œuvres qui, je l'espère, marqueront l'esthétique moderne en même temps que l'urbanisme. Songez qu'en 1878, je ne crois pas me tromper, une exposition universelle eut lieu qui marqua le redressement de la France 7 ans après la Commune, la défaite, et alors que plusieurs milliards or devaient être payés à la Prusse. Et nous ne serions pas capables, dans la situation où nous sommes, de marquer notre choix de l'avenir et notre confiance dans le pays par la mise en œuvre de cette grande entreprise. Empereur et architecte. Ce 24 septembre 1981, François Mitterrand annonce les grandes lignes de sa politique culturelle. Au cœur de celle-ci, les grands travaux parisiens. Le président socialiste en fait l'un des piliers de son mandat à venir. Il veut marquer la capitale de son empreinte. Il poursuit donc les projets de ses prédécesseurs, mais surtout amorce les siens, l'Opéra Bastille, le Louvre et, non des moindres, la tête défense. Ce projet de la défense est un serpent de mer qui se dérobe de président en président depuis une décennie. Situé sur plusieurs municipalités à l'ouest de Paris, c'est un quartier d'affaires constitué d'immenses tours développées dans les années 60 sous le contrôle d'un établissement public d'aménagement, l'EHPAD. Il s'inscrit dans le prolongement de l'axe historique parisien, la célèbre voie royale imaginée par André Lenôtre, jardinier de Louis XIV, qui traverse la capitale d'est en ouest. Elle relie la cour du Louvre à l'Arc de Triomphe, en passant par les Tuileries, la Concorde et les Champs-Élysées. Amusez-vous, oui, amusez-vous un jour à regarder cette perspective. Ainsi, le projet Tête Défense correspond-il à cet espace laissé libre dans l'axe historique au cœur du centre d'affaires qui doit répondre à un double objectif. Bâtir un monument sur la voie royale et donner un cœur, une unité au quartier. Quel plus beau défi architectural! Du milieu des années 60 à celui des années 70, de Pompidou à Giscard, de nombreux projets sont imaginés, lancés, puis arrêtés. Des architectes renommés comme le sino-américain Pei ou le français Émile Alliot proposent des programmes, oui, mais trop ambitieux ou alors confrontés à la crise économique. Ils restent donc à l'état de maquette. Au début des années 80, le président Giscard d'Estaing se saisit de nouveau de la question et opte, lui, pour la proposition de l'architecte Jean Villerval. Une cascade de petits immeubles de bureaux sans intérêt et invisibles depuis Paris. Fini le gigantisme et les rêves de grandeur, place à la raison. Face à ce projet, en février 1981, Robert Lyon, un haut fonctionnaire spécialiste des questions urbaines, proche des socialistes, publie une tribune dans Le Monde où il dénonce à coups de formule choc le manque d'ambition et d'audace du projet de Villerval. Or, après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981, ce même Robert Lyon prend la direction de la Société d'économie mixte en charge de la Tête Défense, justement. Il abandonne tout naturellement le projet minimaliste de Villerval et repart de zéro. Il charge un autre haut fonctionnaire, Serge Antoine, de définir les contours de ce nouveau projet. La Tête Défense actuellement, c'est cela, un terrain vague de 55 000 m² situé à l'extrémité occidentale du quartier d'affaires. La Tête Défense est également cet homme, il s'appelle Serge Antoine, c'est un haut fonctionnaire passionné de futurologie et il a été spécialement désigné par le président de la République pour mettre au point le nouveau projet. C'est une ambition, si vous voulez, qu'on a de faire un bobo de la communication. Ici, vous avez le grand public, vous avez les jeunes d'abord, et c'est important qu'ils auront à maîtriser les outils de demain. Puis vous avez le grand public qui aura peut-être à voir le musée des musées de la communication pour montrer, si vous voulez, la tradition. Et puis peut-être aussi aura-t-il besoin de consulter la bibliothèque des vidéocassettes, comme il y a aujourd'hui la Bibliothèque nationale pour les livres. Pour une fois, on a fait le projet un petit peu différemment. Au lieu de commencer par l'architecture et de dire après qu'est-ce qu'on va mettre dedans, on fait d'abord, si vous voulez, le contenu, et dans 3 mois, nous présenterons au président de la République le contenant pour qu'ensuite on puisse déclencher le concours international d'architecture. En mars 1982, Serge Antoine rend le rapport qui définit ce fameux centre de la communication à l'origine du monument à venir. Le haut fonctionnaire se félicite d'abord d'avoir défini l'usage du bâtiment avant même d'avoir lancé le concours. Bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'à la lecture du dit rapport, ce centre de la communication reste bien flou. Pensé et écrit dans le jargon futuriste propre à ce début de décennie 80, il s'appuie sur 2 idées essentielles, l'appropriation sociale des nouvelles technologies et l'ouverture au monde, notamment pour les plus défavorisés. Robert Lyon et ses équipes peuvent désormais lancer la seconde étape, celle du projet architectural. 2 solutions se présentent, le choix direct du président ou l'organisation d'un concours public et international. C'est la seconde solution qui est retenue. Le 7 juillet 1982, le ministre de l'Urbanisme, Roger Quilliot, lance officiellement la compétition. Un jury, lui aussi international et présidé par Robert Lyon, est mis en place. Avec près de 900 inscrits et plus de 400 propositions remises, le concours est un vrai succès. Pendant 8 jours, les membres du jury se réunissent au cœur de l'immense tour Fiat de la Défense. Tous les projets, anonymes, sont étudiés minutieusement. Finalement, 4 sont sélectionnés. La décision finale revient au président de la République, François Mitterrand. Et le 25 mai 1983, on annonce le vainqueur. Voici la future tête de la Défense. Un arc de triomphe, disent les spécialistes, en fait un énorme cube de béton dans un paysage du troisième type. Il abritera le carrefour international de la communication, des bureaux, des ministères. Il aura 100 mètres de côté et devrait être terminé en 88. Cet édifice met un point d'orgue à l'avènement d'un quartier d'affaires qui a connu un développement chaotique au cours des 30 dernières années. Et c'est la surprise, car le lauréat, Johann Otto von Spreckelsen, est un parfait inconnu. Professeur d'architecture, danois de 54 ans, il profite, comme la plupart des architectes à travers le monde, de l'élan inédit créé par les grands travaux mitterrandiens pour tenter sa chance. Dans le concours de la tête défense, tout l'attire. Travailler pour Paris et surtout cette idée de centre de la communication qu'il perçoit comme un formidable enjeu à la fois technologique et social. Mais Spreckelsen réalise aussi rapidement l'ampleur de la tâche. L'enjeu est monumental et les contraintes techniques nombreuses. Or, en tout et pour tout, Spreckelsen n'a bâti que sa maison et quatre églises. Il n'a jamais travaillé sur une commande publique aussi importante que celle de la tête défense. Il n'a ni agence, ni associé, ni employé. Mais il a pour lui un motif, une forme, fétiche, sur laquelle il travaille depuis des années et que l'on retrouve dans ses églises, le cube. C'est avec cette idée que ce maître cube se rend pour la première fois en repérage au quartier de la Défense à l'hiver 82. Et là, c'est immédiat, comme une évidence. Il dessine son projet dans un café, un immense édifice aux parois de marbre et de verre, ouvert sur deux côtés. Pour répondre aux exigences techniques, il s'associe à un ingénieur danois, Erik Retzel. Ensemble, ils affinent l'esquisse de Spreckelsen. Et comme souvent, c'est de la contrainte que naît la liberté, la force, la beauté. Ainsi, Retzel explique-t-il à Spreckelsen qu'au regard de l'espace disponible, le cube ne pourra pas être face à l'axe. Et ça change tout, comme l'explique Robert Lyon. Le coup de génie de Spreckelsen, je pense qu'il est double, c'est d'exister sur l'axe sans le fermer. Et le deuxième coup de génie, il l'a posé légèrement de travers, de telle sorte que la profondeur soit aperçue depuis Paris, éventuellement depuis Saint-Germain, de telle sorte que ce soit un vrai monument et non pas simplement un cadre un peu bête. Et on a trouvé ensuite que ce petit angle de 4 degrés qu'il a donné correspondait à celui qu'à l'autre bout faisait le Louvre à partir de l'Arc de Triomphe du Carrousel. Le Louvre n'est pas dans l'axe. L'axe est droit jusqu'au Carrousel et puis ça tourne à gauche. Là, ça tourne dans l'autre sens, symétrique. Un autre sentiment domine à l'annonce du vainqueur du concours de la tête défense, l'unanimité. Oui, que ce soit le jury, les architectes, la presse ou les citoyens, tous s'accordent pour dire que cette arche en forme de cube blanc aux lignes épurées est sublime. Le cube de Spreckelsen vient marquer l'espace de la défense tout en offrant une formidable fenêtre sur la poursuite de la voie royale. D'ailleurs, la conférence de presse de présentation, le 30 mai 1983, se déroule dans une ambiance euphorique. Dans la foulée, le 1er juin, Spreckelsen rencontre François Mitterrand. Entre les deux hommes, le courant passe immédiatement. Mais l'idylle se confond rapidement à la dure réalité de l'élaboration du programme. On parle d'un temps où il était possible de gagner un concours international sur un simple dessin. Or, il faut encore approfondir les études et les projections. D'autant que les membres du jury n'ont pas manqué d'émettre quelques réserves. Les croquis de Spreckelsen sont riches et évocateurs, mais il reste de nombreuses incertitudes techniques. Et puis, François Mitterrand est sceptique sur un point, celui de la perspective. Comme ses prédécesseurs, il appréhende de voir dépasser un monument au-dessus de l'Arc de Triomphe. Pour le rassurer, Spreckelsen et Retzel proposent au président une simulation grandeur nature. Alors, au milieu du mois d'août 82, on fait installer deux grues à la Défense en charge de soulever une immense maquette du toit de l'Arche à 108 mètres de hauteur. Et au soir du 17 août, voilà Spreckelsen et Mitterrand, l'architecte et le président, au milieu de l'avenue des Champs-Élysées, en train d'observer une plaque blanche de plusieurs centaines de mètres au-dessus de l'Arc de Triomphe, là où le possible n'a même pas le ciel pour limite. Si ce n'est celle du réel et des hommes, car bien vite, entre les commanditaires français et l'architecte danois, les problèmes surviennent. C'était un homme très, très, très intelligent, très au fait de bon nombre de théories architecturales, avec des idées très personnelles. Mais son expérience de bâtisseur, ça c'est vrai, était très faible. Et Et c'est un peu ça qui a créé à un certain moment quelques difficultés, parce qu'il pensait qu'on pouvait... il n'avait aucun compromis possible. Il pensait qu'on pouvait faire 200 000 mètres carrés comme on en fait 200 ou 300. L'homme qui parle de Sprekelsen est Paul Andreu. C'est par un mélange de hasard et d'évidence que l'architecte et ingénieur français se retrouve sur le projet de l'Arche de la Défense. Dès le départ, le règlement du concours international prévoit en effet que le vainqueur, s'il est étranger, devra être épaulé par une équipe technique française, familière des rouages administratifs nationaux. Sprekelsen met du temps à se décider et finit par opter pour Paul Andreu, qui est à la tête du bureau d'architecture des aéroports de Paris. Il est l'auteur de Roissy, Charles de Gaulle 1 et 2. Assez rapidement, les responsabilités de chacun sont définies comme suit. À Sprekelsen, la conception, à Andreu, la réalisation. Paul Andreu se rend rapidement compte du choc des cultures qui a lieu entre l'architecte danois et les administrations françaises. Et puis surtout, il se rend compte que malgré son manque d'expérience sur un tel projet, Sprekelsen n'est prêt à aucun compromis et il défend ses points de vue sans jamais rechercher le consensus. De ce côté, Sprekelsen a du mal à saisir le fonctionnement des Français. Comme il explique d'ailleurs devant la caméra du réalisateur Ben Tchernia dans le film « Hommage to Humanity ». Les Français aiment changer les choses tout le temps. C'est sûrement parce qu'ils sont individualistes. Vous ne pouvez pas travailler avec des Français et ils ne s'attendent pas à ce que vous coopériez avec eux non plus. Si je coopère, c'est vu comme un signe de faiblesse de ma part. Ils trouvent aussi certainement difficile de travailler les uns avec les autres parce qu'ils ont des idées différentes sur tout. Bien sûr, ça peut être une source d'inspiration d'entendre des avis différents sur le projet. Mais quand ils veulent tous quelque chose et que ces nouvelles idées apparaissent à la fin du projet, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Ensuite, vous devez inclure le reste des groupes. Les ingénieurs français doivent être inclus. Aéroport de Paris, qui est mon partenaire ici, doit être inclus. Ce qui cause encore des problèmes. Parce que si le constructeur veut une chose, les responsables du projet, qui ont continué avec le projet initial, doivent soudainement le modifier. C'est un problème général. Et dans l'esprit français, on appelle ça l'usine à gaz. Il faut dire que tout, c'est vrai, dans le projet de tête défense est complexe. Les maîtres d'ouvrage d'abord, autrement dit les commanditaires. En lieu et place d'un client, un seul, Sprekelsen va devoir répondre à quatre interlocuteurs. Le ministère de l'équipement, l'EHPAD, la société qui gère le centre de communication et la caisse des dépôts et consignations. Chacun a son mot à dire et ne se prive pas d'intervenir dans les discussions. L'architecture, ensuite. Elle est sans doute, plus que les autres, une démarche qui met en lumière la tension entre l'art et la technique. De ce point de vue, Sprekelsen est clairement plus artiste que technicien. Et il s'accommode difficilement des contraintes structurelles et des ajustements pourtant nécessaires. À partir de là, tout ou presque, dans la préparation du chantier de Sprekelsen pose problème. Le système de vitrage, le nombre et le lieu des ascenseurs, le nombre d'étages, le toit, les fameux nuages extérieurs, structures qui doivent harmoniser l'édifice, enfin, et surtout, le choix du marbre pour les parois. Chacune de ces options provoque des situations de blocage. Sprekelsen se refusant à tout compromis et vivant les abandons successifs comme des blessures. Blessures personnelles. Inévitablement, le projet prend du retard. Or, les délais sont extrêmement serrés puisque l'Arche doit être inaugurée au moment du bicentenaire de la Révolution, en juillet 1989. Un exemple en particulier cristallise les tensions. Sprekelsen décide de partir seul pour choisir son marbre à la célèbre carrière de Carrare. Problème, après avoir fait son choix, le propriétaire de la carrière sélectionnée demande un prix beaucoup plus élevé que le marché. Refus de l'État. Sprekelsen, lui, ne répond qu'à une seule personne, François Mitterrand. Et il se sait soutenu par lui. Comme en témoigne cette scène à l'Elysée où Sprekelsen présente la maquette définitive du projet après 2 années de préparation. Et là, nous sommes en 1985. Il y a un problème qui commence à s'imposer, c'est à savoir si le marbre doit subir, la surface doit subir un traitement ou s'il doit être laissé à nature. Tout dépend de ce que disent ceux qui s'y connaissent. Est-ce que ce marbre sera trop fragile ou friable devant les intempéries? Les deux genres d'experts Il y a les gens qui travaillent avec le marbre en toutes générations, ils connaissent le marbre et eux savent quand ils ont affaire à un marbre. Et ces gens-là prétendent que le marbre que M. Sprakelsen a trouvé est suffisamment dur pour ne pas subir un traitement. Il y a d'autres experts, un autre groupe d'experts, ce sont les gens qui se trouvent dans les laboratoires et qui font des expériences. Et eux préconisent un traitement pour la surface. Quel traitement ? Un traitement qui ferme les pores du marbre de manière à ce que l'eau ne pénètre pas. La pierre est la pierre. Si vous changez sa nature, elle n'aura plus à travers les temps l'évolution qu'on attend d'elle. Ça me dit qu'il faudra attendre au moins quelques centaines d'années avant de voir quelques dégâts sur le marbre. Oui, oui. On travaille pour quelques centaines d'années. Cette scène est révélatrice d'une situation qui ne pouvait que s'enliser. Le soutien du président, estime Sprakelsen, lui permet de maintenir ses positions. Certes, ce qu'il ne soupçonne pas encore, c'est que ce soutien présidentiel risque de vaciller. Car dans un an, les élections législatives arrivent, le gouvernement peut passer à droite et le cube de Sprakelsen être menacé. Bonjour à tous. La France vient donc de prendre le virage de l'alternance. L'UDF et le RPR deviennent la nouvelle majorité. Majorité absolue avec l'appoint de ce que l'on appelle les divers droites. La Ve République présente donc ce matin un visage que les Français ne lui avaient jamais connu. Le président de la République n'a plus de majorité parlementaire pour gouverner. C'est une rupture avec les traditions institutionnelles depuis 1958 qui voulaient que le chef de l'État choisissent un premier ministre parmi les siens, choisissent son premier ministre. Le 17 mars 1986, la sanction tombe. La majorité change de camp. Jacques Chirac devient premier ministre et la France découvre en effet la cohabitation. Élu sur un programme de restriction budgétaire, la droite entend bien mettre en œuvre sa politique et inévitablement, les grands travaux se retrouvent dans la ligne de mire. conscient de la menace, François Mitterrand s'est assuré avant les législatives de rendre irréversibles les chantiers engagés. Et c'est le cas de celui de l'Arche de la Défense, dont les travaux ont été inaugurés en juillet 85. Si la construction du monument se poursuivra comme prévu, la nouvelle majorité décide d'agir sur son futur usage. La particularité de l'Arche de la Défense, par rapport aux autres grands travaux, c'est qu'elle repose dès l'origine sur une cohabitation privée-publique. L'une des tours, ainsi qu'une partie du sous-sol, doit être achetée par des entreprises. Le toit, lui, est destiné au grand centre de communication et la deuxième tour doit accueillir un ministère. La première sanction ne se fait pas attendre. Le carrefour international de la communication est tout simplement abandonné. L'Arche de la Défense vient de perdre sa raison d'être. Le ministre du Budget, Alain Juppé, envisage même de vendre le toit à un investisseur privé. Pour Robert Lyon, en charge du projet depuis le départ, la menace est inacceptable. Enfin, va-t-on prendre le risque de couvrir l'arche du logo d'une entreprise en plein dans l'axe historique ? S'il y a un homme pour qui l'abandon du carrefour de la communication ne passe pas, c'est bien Sprengelsen, l'architecte. Il ne comprend pas comment on peut, en plein chantier, abandonner la raison pour laquelle un monument a été conçu. Après tous les sacrifices et les compromis accordés dans la phase de conception, puis sur le chantier, Sprengelsen décide de claquer la porte. Le changement au printemps 1986, lorsqu'ils sont passés d'un gouvernement de gauche à un gouvernement de droite, signifiait qu'il fallait abandonner le projet pris en charge par l'État. Il était maintenant pris en charge par le secteur privé. Ils ont dû abandonner le grand projet d'un centre international pour la communication, qui était l'enjeu principal du projet, et qui non seulement donnait son cachet architectural à l'œuvre, mais était essentiel comme attraction touristique. Des milliers de gens devaient sortir de là tous les jours pour voir ce qui se passait dans le domaine de la communication, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue pratique. Vous auriez pu rencontrer des gens non seulement de Paris, mais de toute la France. Donc une partie du projet doit être changée, mais heureusement pas le cube. Le cube sera construit comme prévu, et j'ai terminé les dessins avant mon départ, de sorte que le cube se poursuive normalement. De Robert Lyon à François Mitterrand, tous les responsables du projet de la Défense essaient de convaincre Sprengelsen de rester. Mais rien n'y fait. L'architecte s'en va comme il est arrivé, fidèle à ses conceptions et à son intransigeance. On se retrouve alors devant un cas unique dans l'histoire de l'architecture contemporaine, le départ du créateur au milieu du chantier. Il est convenu que c'est donc Paul André, le directeur d'ADP, qui devient l'architecte principal et qui doit mener le projet à son terme. De temps à autre, discrètement, Sprengelsen se rend à Paris tout de même, sur le chantier. C'est au cours de l'un de ses voyages qu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Le 16 mars 1987, il décède au Danemark quelques mois seulement après avoir quitté la construction de l'œuvre de sa vie. Il ne la verra jamais achevée. La nouvelle du décès de Sprengelsen glace l'ensemble des partenaires français. Comment ne pas penser au rôle qu'ont pu jouer les désillusions de l'architecte dans cette maladie fulgurante ? Le chantier, pour sa part, avance à marche forcée. Les deux tours latérales s'élèvent au rythme impressionnant d'un étage tous les quatre jours. Sur le parvis de la Défense, les passants s'arrêtent pour observer l'incroyable prouesse architecturale qui se déroule sous leurs yeux. À 110 mètres de hauteur, une dalle de béton d'un hectare est coulée pour le toit de l'Arche. Un chantier qui apporte lui aussi son lot de problèmes. Francis Bouygues, l'entrepreneur, engage une équipe d'avocats pour relever l'ensemble des dépassements budgétaires et des erreurs commises par les autorités publiques. Après la bataille technique et politique, voici que le combat judiciaire commence. Reste la plus épineuse des questions, que faire de l'Arche une fois bâtie ? À cette question, un homme ne demande qu'à apporter une réponse. Il s'appelle Christian Pellerin, un de plus. Depuis le début des années 70, il est le promoteur miracle de la Défense. En pleine période de crise, il a parié sur ce quartier que tous abandonnaient. Paris réussit 10 ans plus tard, puisqu'il s'occupe des milliers de mètres carrés de bureaux et de nombreuses tours ou bâtiments comme le CNID voisin de la future Arche. Et à longueur d'interview, Christian Pellerin explique son ambition. Jusqu'à présent, la Défense a surtout été la juxtaposition, comme vous l'avez dit, du reste de très grands sièges sociaux, mais il n'y a pas réellement de vie économique à rayonnement international qui a lieu à la Défense, parce qu'il n'y a pas d'équipement de convivialité qui permet l'échange. Nous allons transformer le CNIT et au travers de ça et dans son environnement, il y aura à peu près 2600 chambres d'hôtel à la Défense, un grand palais des congrès moderne, un grand centre d'exposition moderne et aussi, pour la première fois, et ça sera unique en Europe, le premier centre permanent d'exposition du logiciel et du matériel informatique, donc une confrontation européenne à cet endroit-là sur ces nouvelles technologies. Dans les faits, Pellerin tient l'Arche en tenaille. Il l'encercle géographiquement et économiquement. Il se propose donc d'acheter une grande partie des bureaux. Alain Juppé est ravi. Bernard Lyon, beaucoup moins. Car lui, reste sur sa ligne. Il ne faut pas livrer entièrement l'Arche aux investisseurs privés, surtout le toit. En coulisses, Bernard Lyon s'emploie donc à désamorcer la solution Pellerin. Il faut absolument qu'un ministère confirme son installation dans l'une des tours latérales et surtout trouver une affectation au toit. Le 24 mars 1987, une première nouvelle tombe et le rassure. Pierre Mehenry, le ministre de l'Équipement, confirme l'installation de ses bureaux dans la Grande Arche. Pour le toit, la solution vient d'un homme pour le moins inattendu, Edgar Faure. À 78 ans, l'ancien président du Conseil, figure historique de la politique française et de la 4e République, est nommé à la tête de l'organisation du bicentenaire de la Révolution. Après avoir visité le chantier de l'Arche de la Défense, il fait une annonce. Je viens de me renseigner auprès de mon ami M. Host, qui s'occupe de la tête défense. Il m'a dit que dans le plan de l'architecte Spreckelsen que nous allons accomplir, il y a sur ce toit qui verra la Fondation universelle des droits de l'homme, l'Arche de la Défense, humain, qui est l'Arche de la Fraternité, il y a des jardins suspendus, comme à Babylone. Et dans ces jardins, on pourra faire quelques essences. Et puis, je voudrais faire ce bois sacré de la fraternité. Enfin, il ne faut pas oublier tout à l'heure, tout de même que la fête, c'est aussi, non pas le bonheur de l'humanité, mais diminuer ses souffrances et éviter les catastrophes. Et là, il faut représenter vraiment ce qu'une fondation universelle des droits de l'homme, patronnée par les grands esprits du monde entier, peut faire pour le bonheur de l'humanité, en tout cas pour sa survie. D'un même coup, et en 3 semaines, Edgar Faure sauve l'Arche de la Défense. Il lui trouve une nouvelle fonction en lien avec l'idée humaine et sociale initiale, ainsi qu'un financement se rapprochant de l'homme d'affaires proche de la gauche, Robert Maxwell. En quelques semaines, ce dernier fait à l'État une offre supérieure à celle de Christian Pellerin pour l'acquisition de la partie privée de la tour. Alain Juppé ne peut pas refuser. Pellerin est hors jeu et Robert Lyon savoure sa victoire. De son côté, le chantier avance. En mai 1988, François Mitterrand est réélu président de la République et c'est à lui que reviendra l'organisation du bicentenaire. Comme convenu, l'Arche de la Défense joue un rôle déterminant dans les célébrations puisqu'elle est inaugurée à l'été 89 avec l'accueil du sommet des 7 pays les plus puissants du monde. Et c'est là, sur le toit de cette arche somptueuse, que le président célèbre la République et clôture le bicentenaire. Je le dis aux Républicains, vous êtes justifié dans votre orgueil et dans votre ambition d'être les héritiers, les continuateurs d'hommes, d'une œuvre, d'un temps dont procède aujourd'hui le combat permanent pour la libération, toutes les libérations du genre humain. Continuez de refuser les exclusions, celles de la solitude, de la pauvreté, de la maladie, de l'ignorance ou de la couleur de la peau. Affirmez-vous comme les mainteneurs obstinés de la tradition qui refuse et condamne les violations des droits de l'homme. Ces célébrations en grande pompe n'atténueront pas la malédiction de l'Arche de la Défense, cet incroyable projet dont le créateur et architecte n'aura même pas vu l'achèvement. Lier le fond et la forme, dit-on souvent. L'Arche de la Défense est un magnifique exemple du risque à séparer les deux. Il s'agit sans doute de l'une des plus belles réalisations architecturales contemporaines. La souplesse et la beauté avec laquelle cet immense cube de plus de 100 mètres de haut s'inscrit aujourd'hui dans le quartier d'affaires sont inversement proportionnelles au vide laissé à l'intérieur. La Fondation des droits de l'homme a été rapidement abandonnée. L'Arche, finalement, n'a jamais trouvé sa fonction et son usage. Pur exercice de style, serait-on tenté de dire, signal frappant d'une époque révolue où le geste politique permettait, si ce n'est de les soulever, au moins, d'ériger des montagnes, de béton et de marbre. Reste ce destin incroyable, celui de Spreckelsen, architecte inconnu qui aurait dû devenir célèbre, mais en a décidé autrement au nom de son art et de ses principes. Une histoire qui illustre avec force le vers de Baudelaire, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je jette une orange vers l'estomac. Quand s'éveille l'ange dans mon pauvre corps, j'arrache les pierres au mur épais et du tombeau de terre où tu m'as jeté. Et je monte à grand-peine par les chemins que poignent les reines, les assassins. Dans cet univers de cendres où aimer n'existe pas, parfois je prie mon ange et ne m'oublie pas. Les nostalgies mourront sans retour. Nous dérivons, privés de tout retour. Je crains tant le souffle du temps sur moi. J'ai connu sa bouche dans l'au-delà, fais de mon âme une branche. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'Arche de la Défense, avec notre invité Laurence Cosset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine ou écrivain, moi j'ai jamais réussi à régler ce conflit sémantique. Moi je dis romancière. Eh ben voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Auteur du roman, justement, La Grande Arche, aux éditions Gallimard, vient de paraître et qui raconte l'incroyable destin de Johann Otto von Spreckelsen et de son œuvre. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point tout à fait particulier, puisque nous racontons et vous racontez une affaire qui s'est réellement passée. Mais estampillé roman, pourquoi ? Parce que il y a une grande différence entre les façons de raconter une histoire vraie. On peut raconter à la manière des historiens, d'une façon scientifique, exhaustive. Et puis on peut raconter à la manière de Shakespeare, à la manière d'Alexandre Dumas, à la manière de Victor Hugo, c'est-à-dire qu'on dramatise la situation. C'est pas qu'on la fausse, c'est pas qu'on la gauchisse, c'est pas qu'on la romance, comme malheureusement le mot romancer tend à faire entendre. C'est que tout simplement, on en dégage les lignes de force, on choisit les personnages principaux, on repère des problématiques, et surtout, on donne la forme du roman. On écrit comme un roman. Je crois que c'est le ton qui fait le roman. Et là, le réel reste. Évidemment. Le réel reste, là c'est un roman où tout est vrai, et c'est pourtant un roman. Le ton est celui du roman, il y a beaucoup de jeux littéraires, il y a beaucoup de... J'ai un grand souci de forme, pour moi c'est l'alpha et l'oméga du roman. Voilà, la façon dont c'est écrit, la façon dont la structure est pensée, la façon dont le récit est conduit, tout ça sont les ingrédients du roman. Alors c'est assez courageux aussi parce que c'est là que vous auriez pu écrire un livre sur la polémique qui était sur la place publique concernant la pyramide du Louvre, hein, c'était spectaculaire. Là la polémique elle n'est pas sur la place publique, tout est en coulisses, moi c'est ce qui m'a frappé quand je me suis aussi penché sur cette histoire, tout est en coulisses. Bah, cette histoire m'a intéressé, cette enquête m'a intéressé précisément parce que le sujet est peu connu en France. Cette histoire vraie, elle était connue de quoi des initiés, quoi. Des 100 professionnels voilà, qui avaient été mêlés à l'affaire. Elle est un tout petit peu connue au Danemark, dans les grandes lignes. Spreckelsen est une star au Danemark. On sait qu'il a démissionné, après avoir été élu par le concours et par le président de la République, on sait qu'il a démissionné, on dit au Danemark, parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il projetait de faire. En France, c'est une histoire qui n'est pas à l'honneur de l'administration publique, du système en quelque sorte. C'est une histoire très emblématique du mal français. Aussi quand Spreckelsen a démissionné, il faut rappeler qu'il l'a fait en secret. Personne ne s'est vanté de cette affaire. On l'a appris après coup en France, vous voyez. Et alors, moi, ça m'a beaucoup intéressé d'enquêter là-dessus parce qu'en fait, je découvrais des choses que j'ignorais complètement et que les lecteurs de mon livre me disent ignorer aussi. Le mal français notamment, qu'est-ce que vous appelez le mal français? Le mal français, vous savez, c'est ce qui a été très très bien théorisé par Alain Perfit dans le livre du même titre. Le mal français, c'est ce paradoxe qui veut que dans ce pays où l'élite est très bien formée, où elle est composée d'individus assez remarquables ou tous remarquables, grosso modo la classe dirigeante prend des décisions qui s'avèrent très souvent imparfaites, voire néfastes. Et alors il y a une espèce de remise sur le chantier très régulière de lois, de projets, une espèce de versatilité qui est typiquement français. Nous y sommes habitués, mais pour les Danois, c'est absolument stupéfiant. Et Spreckelsen le dit dans l'archive que vous avez fait entendre. Pour Spreckelsen, cette façon de renégocier un accord déjà établi, cette façon de considérer que tout ce qui est posé et cependant réversible, c'est très très surprenant. Au gré de changement de majorité, par exemple, alors, d'alternance politique, entre autres. Oui, pas mais pas ça, seulement, hein. Pas seulement. Par exemple, vous avez longuement raconté toutes les difficultés qui sont nées de la fragilité, pour ne pas dire du côté fantomatique du programme, c'est-à-dire du sens qu'on allait donner à ce monument. Et en fait, Spreckelsen, pour lui, c'était clair, on construit un centre international de la communication et à vrai dire, il était le seul à prendre ça au sérieux. Dès le début, tout le monde en France a vainement cherché ce que ça pouvait être. C'est-à-dire que lui, pardon, vous coupez, mais oui. Lui avait intégré l'idée que dans un projet architectural digne de ce nom, il y a à la fois le contenant et le contenu. Mais bien sûr. Il semble que là, les pouvoirs publics étaient sur le contenant. En gros, c'est ça. Il y avait un contenant théorique, mais pratiquement il n'avait pas été pensé, il n'avait pas été conçu, il était vaseux en fait. Et c'est évidemment ce qui a permis à la droite, au bout de quelques années, quand elle a retrouvé les commandes en 86, de dire allez hop, exit le Centre international de la communication. Mais ce faisant, l'État se désengageait et il s'en est suivi tout ce que vous avez fort bien relaté. L'Arche non seulement perdait son sens, mais elle perdait son financement et il a fallu pour la construire, trouver de l'argent en densifiant en fait le projet, et ceci, Spreckelsen ne l'a pas supporté. Alors il y a quelque chose de malgré tout, parce que là on parle d'un manque de fluidité finalement des instances décisionnaires en France. Ou un excès de fluidité, un manque de rigueur. Alors un manque de rigueur, quelquefois un manque de fluidité parce que trop arc-bouté sur des réglementations, ça peut être ça aussi le mal. Hein. N'empêche que là il y a un contre-exemple, c'est que, voilà un architecte qui a construit des églises, c'est tout. Quatre petites églises. Il arrive sans un CV, et là pour le coup il y a une vraie liberté, parce que c'est lui qu'on choisit. Ça c'est quand même, c'est libre ça, non? Alors ça c'était le très grand intérêt des concours d'architecture internationaux, comme ils se pratiquaient à l'époque et comme ils ne se pratiquent plus. C'est-à-dire que c'était des concours d'idées, des concours d'esquisses. Il y a eu une très grande masse de candidats, vous l'avez dit, une très grande masse de dossiers. En fait c'était des dessins avec un petit texte explicatif. Et on a choisi cette superbe silhouette, ce très beau dessin de l'Arche. Aujourd'hui, les concours sont beaucoup plus techniques. Pour concourir, il faut avoir fait la preuve qu'on saura parfaitement mener le chantier. Et donc, ne sont admis à concourir aujourd'hui, dans les concours dits fermés, par différence avec les concours ouverts, que de grandes agences, de grands professionnels. Alors, c'est évidemment très rassurant quant à la conduite du chantier, mais ça limite considérablement le champ de l'imaginaire. Spreckelsen, jamais, aujourd'hui, n'aurait pu gagner un concours. Et son idée, qui n'était pas folle, mais pas loin, son idée qui était une sorte de rêve à la limite de l'incarnation possible, de la constructibilité, cette idée-là aurait été écartée tout de suite. Voilà, donc on voit ce qu'on a perdu quand on voit la chance que ça a été de laisser Spreckelsen, qui n'était pas d'ailleurs identifié à l'époque, de laisser ce projet tout à fait audacieux, original, singulier, émerger. On va écouter une archive ensemble, écouter Paul Andreu, le second architecte de l'Arche, et qui dit justement à quel point ce projet a cristallisé des tensions. Écoutez. Cette défense était, et cette tête défense a toujours été quelque chose de formidable, parce que on mesurait toute l'idéologie des gens là-dessus. Il y a ceux qui voulaient fermer, ceux qui voulaient ouvrir. Pour certains, l'histoire était finie. Il y a eu un projet avec un miroir. On fermait par un grand miroir qui renvoyait tout qui regardait vers l'arrière. Hein, c'était formidable idéologiquement. Hein. D'autres voulaient au contraire un point, d'autres voulaient un vide, d'autres voulaient un... Et effectivement, on était un certain nombre à dire qu'il fallait du culot, comme vous le dites, pour aller... Mais il faut aussi simplement un minimum d'assurance ou un minimum de foi dans ce que représenter. Il fallait également être soutenu par un pouvoir politique. Oui. Mais voyez pourquoi tous les il pouvoirs politiques... Il fallait l'acquiescement d'un président de la République. Oui. Oui, mais tous les pouvoirs politiques sont inscrits sur cet axe. Hein, depuis la cour carrée, comme ça, en marchant à reculons, en regardant la royauté, tout le monde a voulu s'installer. Alors, être soutenu par un pouvoir politique, sous la Ve République, un président on peut dire « l'État, c'est moi », c'est comme ça. François Mitterrand l'a soutenu à bout de bras. Quels étaient les rapports entre le président et l'architecte? Ce sont des rapports extrêmement complexes. D'abord, vous l'avez rappelé, on découvre en 80 que Mitterrand est passionné par l'architecture. Et que non seulement il va poursuivre les projets précédents, mais qu'il va en ajouter d'autres. D'une part, on découvre par ailleurs qu'il va s'en occuper de très très près. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, pensait diriger toutes ces grandes affaires. En fait, non, c'est de l'Élysée que ceci sera dirigé. Mitterrand se dote d'une petite task force tout à fait réduite, très proche de lui, qui s'appelle la Mission des Grands Projets, et le patron, c'est lui. D'une part, alors il faut reconnaître cette espèce de volonté souveraine de grand bâtisseur qu'il a mise en œuvre. C'était tout à fait unique à l'époque en Europe. N'oublions pas que les caisses étaient pleines. Monsieur Barr et le président Giscard d'Estaing avaient laissé une France sans dette. C'est à ce moment-là, c'est de ce moment-là que commence à courir l'endettement. Ça fait un peu rêver aujourd'hui. Alors, Mitterrand, donc, c'est l'impulsion, c'est le rêve politique, le désir de pouvoir, de s'inscrire dans l'histoire de l'architecture et de l'art. D'une part. D'autre part, il y a des aspects beaucoup plus négatifs et pernicieux. Mitterrand se mêlait de tout dans cette affaire, d'une manière absolument incroyable. Je l'ai découvert au cours de mon enquête et je le relate dans mon livre. Il se mêlait bien sûr du programme. C'est lui qui a choisi, en l'occurrence, le projet vainqueur, parmi quatre sélectionnés par le jury, ce qui déjà est tout à fait anormal. Le jury était furieux. Certains ont menacé de démissionner. Ils ont dit « nous pouvons faire le choix du projet gagnant ». Non, on leur a dit « on est en France, c'est le président de la République qui fait le choix du projet gagnant ». Donc il décide du vainqueur, il décide du programme, il voit l'architecte, il se fait présenter les maquettes très régulièrement. Dès qu'il y a un conflit, il arbitre en fait. L'architecte ne veut connaître que lui. L'architecte le voit 9 fois en 3 ans, ce qui est tout à fait étrange quand même. N'oublions pas qu'il y a une maîtrise d'ouvrage qui en principe est censée diriger le chantier et contrôler la maîtrise d'œuvre, ou en tout cas interagir avec la maîtrise d'œuvre, commander la maîtrise d'œuvre. Non, tout ceci se passe à l'Élysée. Oui, ça se passe à l'Élysée, n'empêche qu'un homme politique est là pour avoir une vision longue, il doit voir derrière l'horizon, c'est ça, l'homme politique. Oui, bien sûr. Et quand il dit, on entend une archive qui est formidable, peut-être la plus saisissante, quand Mitterrand dit, on parle de la pierre, hein. Il dit, mais nous travaillons pour les siècles à venir. Donc c'est bien qu'il y ait une autorité politique, incarnée, humaine, qui voit au-delà de l'horizon. Oui, mais alors reprenons ce cas, il est tout à fait emblématique. Vous avez entendu le dialogue. Spreckelsen dit, ça m'ennuie, des experts disent qu'il faut traiter le marbre. Mitterrand, bon, dit traiter le marbre, mais le marbre ne se traite pas. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le président Mitterrand? Donc, on ne traite pas le marbre. Et aujourd'hui, 24 ans après la pose du marbre, on vient de le déposer entièrement. Parce que Mitterrand et l'architecte avaient décidé que le marbre peut résister aux siècles, aux centaines de siècles. Et bien voilà, il se trouve que 24 ans après, le marbre n'a pas résisté à la pollution parisienne. Donc les experts, on n'en parle plus. Ces malheureux cassants ont été réduits au silence. Mais aujourd'hui, c'est vous et moi, contribuables, qui payons la dépose complète du marbre parce que, en très haut lieu, le président de la République a donné un avis technique qui ne lui revenait pas. Parlons maintenant alors de l'architecte. Spreckelsen, l'homme, on le dit charismatique, une vraie présence, une capacité à persuader et à entraîner. Qu'est-ce que vous savez de lui ? Alors, je dois dire que c'est le cœur de mon roman, ce personnage très mystérieux, très singulier, très original, et qui a eu un destin tout à fait tragique, une espèce de proximité entre la gloire et la mort, c'est ça que j'ai voulu écrire. C'est un homme qui était très discret sur lui-même, très réservé, très aristocratique, dont ses proches disent qu'il était gentil, gracieux, qui apparaît dans les quelques archives filmées qu'on a comme très séduisant, très charmeur et charmant. Cet homme a laissé une impression tout à fait contraire en France. Il a laissé l'impression d'un protestant rigide, alors qu'il était catholique. Il a laissé l'impression d'un homme intraitable, qui ne voulait pas composer. assez glaçant et glacial. En fait, je crois, pour y avoir beaucoup réfléchi, qu'il s'est trouvé pris dans une sorte d'étau. D'abord, il n'avait pas les épaules nécessaires au rôle de maître d'œuvre pour lequel il a été désigné. C'était un grand artiste, un visionnaire, un urbaniste génial, et l'Arche le démontre tous les jours. C'était peut-être une espèce de voyant, mais ça n'était pas un bâtisseur. Il avait une très petite expérience de la construction. Il avait construit les églises de briques, en veillant à la pose de chaque brique l'une sur l'autre. Là, il change complètement d'échelle. C'est plus de la brique, c'est du béton. C'est informatisé, c'est énorme, c'est colossal. Il n'a absolument pas, lui, la capacité de diriger le chantier. Il le sait, d'une part. S'il avait été parfaitement conscient en les bureaux d'études français, tout à fait compétents, en Paul Andreu, admirablement compétent, les choses auraient été possibles, il aurait délégué, il aurait laissé faire. Or, il se trouve, et j'y insiste beaucoup dans mon récit, qu'il arrive bardé de préjugés contre la France, et les Latins en général, préjugés qui sont communs à tous les Danois. C'est tout de même assez intéressant de sortir de France et d'écouter et de comprendre ce qu'est l'image de la France. Nous, nous considérons, et je considérais la France que j'aime infiniment, comme un pays de raison, de mesure, d'équilibre. En fait, partout ailleurs, nous sommes considérés exactement comme nous considérons les Siciliens ou les Grecs, comme des agités, des gens versatiles, des parleurs, des beaux parleurs, des idéologues, mais des gens peu sûrs. Et Sprengelsen arrive avec cette masse de préjugés. Il arrive d'ailleurs avec des avocats. On lui a dit, en France, tu vas te faire rouler, fais attention, ce sont des baratineurs. Il a horreur de ça, le baratin. Et donc, d'une part, il sait qu'il ne pourra pas seul mener son projet, il sait que d'autres vont construire à sa place, mais ces autres, il ne leur fait pas confiance. Il est pris dans un véritable étau psychique. Son angoisse est certainement très grande. Il y a des manifestations physiques. De temps en temps, il disparaît du chantier. On se demande pourquoi, comme s'il était terrorisé. Et puis, à d'autres moments, il est extrêmement violent. Les engueulades sont fréquentes et les mésententes, les conflits innombrables. Vous avez un regret, je crois. Vous avez tenté, auprès de son épouse, de voir ses croquis, de comprendre mieux son travail. Et là, la porte s'est fermée, je crois. Je suis allée au Danemark pour voir d'abord les églises de Sprengelsen, pour réfléchir à cette différence de culture, à ce choc des cultures qui a été omniprésent dans cette affaire et si préjudiciable. Et puis bien sûr, je voulais rencontrer Madame von Sprengelsen. D'abord, elle était en France pendant toute l'année que Sprengelsen y a passé. Elle ne l'a pas quittée. Elle aussi, elle a impressionné les Français. Elle était une espèce de figure silencieuse qui semblait tout enregistrée aux côtés de Sprengelsen. Elle n'a rien fait pour atténuer les dissensions. Elle n'intervenait pas, elle était muette. Elle a beaucoup impressionné, inquiété. Bon, elle était là tout de même, elle était là. Et puis, il faut quand même dire que son mari est mort de cette affaire, même si c'était directement d'un cancer. En tout cas, qu'il a souffert mort et passion en France, qu'il est passé d'une gloire incroyable à une déception progressive qui a été telle qu'il a fini par jeter l'éponge. Donc, elle a souffert avec lui de tout ceci. Moi, j'aurais aimé qu'elle me parle, évidemment, le plus longuement possible de cette affaire et qu'elle me donne son avis à elle, de très proche, sur ce que Sprengelsen avait enduré et aussi vécu d'heureux en France. Elle a refusé de me recevoir. Alors, je ne suis pas la seule. Non seulement elle refuse de recevoir la plupart des gens qui souhaitent la faire parler de Sprengelsen et de son œuvre, mais elle a refusé toute publication de tout livre de fond sur lui. Et c'est bien dommage. Elle a des archives qui sont inexploitées. Elle a des cahiers. Sprengelsen tenait un journal qu'il illustrait quotidiennement. C'était un très, très grand dessinateur. On rêve de voir ce journal. Elle ne l'a jamais ouvert à personne. Voilà, c'est son droit. Probablement, elle a beaucoup souffert. Elle en veut à la France. Peut-être même qu'elle a une hostilité, une inimitié farouche. Enfin, toujours est-il qu'elle m'a menée en bateau, je le raconte, qu'elle a refusé de me recevoir. C'est son droit le plus strict. J'espère qu'un jour, ses archives s'ouvriront, que ses dessins magnifiques illustrant ce journal certainement passionnant seront visibles. Il nous reste 20 secondes. Laurence Rosset, quand vous passez sous l'Arche de la Défense, c'est quoi vos pensées ? Je suis éblouie. Et pourtant, l'arche est la moitié de ce qu'elle devait être. Elle devait s'élever au centre d'une esplanade totalement vide et plantée d'un parc. Voilà, l'arche est à peu près la moitié de ce qu'elle devait être. Elle reste splendide. En termes urbanistiques, elle est magnifique. Elle s'inscrit tellement bien dans cet espace que, vous l'avez dit, on n'imagine pas autre chose à la place. Et ça, c'est le talent, le grand talent d'un immense artiste. Merci infiniment, Laurence Rosset. Je rappelle le titre de votre livre, La Grande Arche, chez Gallimard. Merci, au revoir. C'est Affaires Sensibles. Aujourd'hui, La Grande Arche, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction, la première de cette saison 3, et elle sera consacrée à l'écrivaine Régine Desforges.